Tu vas comme ça, tu vas comme ça, tu vas comme ça, tu vas comme ça, tu vas comme ça.